Chapitre 8. La maison de Jumièges fut vendue à un jeune officier de santé qui, ayant lu l'annonce dans les journaux de Rouen, eut l'idée de s'établir à Jumièges, où il n'y avait qu'un vieux médecin dont il recueillerait bientôt la succession. Mais il ne pouvait donner que 5 000 francs en espèces. Pour les 3 000 qui restaient, il fit des billets. Cyril estima de rembourser la première hypothèque de 5 000 francs, prise sur sa ferme, en donnant au prêteur de Caudebec les 3 000 francs de papier timbré et 2 000 en argent. Mais le prêteur voulait de bonnes espèces sonnantes. Cyril ne pouvait lui donner tout l'argent qu'il venait de recevoir, sa femme le lui ayant défendu. Était-ce avec les billets du médecin qu'il pourrait acheter le cheval et la voiture, dont elle avouait maintenant ne pouvoir se passer? Madame Goron s'apercevait chaque jour des inconvénients de la culture. C'était 1 000 frais qu'elle n'avait pas prévus. Le domestique ne suffisait pas au travail et, à tout moment, il fallait lui adjoindre des hommes de journée qui coûtaient des prix fous, mangeaient comme 4 et buvaient, il fallait voir. Il ne faisait rien. Du temps où elle était à sa ferme avec ses parents, tout se vendait plus cher et les frais étaient moins élevés. Puisque le prêteur voulait n'être remboursé qu'en espèces, ajoutant d'ailleurs que ça ne pressait pas, Madame Goron dit à Cyril « L'argent ne fondra toujours pas dans notre tiroir, gardons-le. On en mettra de côté, il faut l'espérer. Petit à petit, on arrivera à les rembourser. » Cyril ne faisait rien, alourdi, rouge à être pris d'une attaque d'apoplexie après le repas. Sa femme, toujours court vêtue, les pieds dans ses sabots, allait sans un moment de répit, travaillant comme une servante et ne semblant pas s'inquiéter de la situation à laquelle Cyril ne voulait pas songer, sachant que cela lui aurait fait du mal. Pour passer le temps, il avait envie de prendre un permis pour chasser, mais sa femme n'avait pas manqué de lui faire remarquer qu'un louis est toujours bon à garder et que ce n'était pas le moment de faire de la dépense inutile. Aussi se contentait-il de tirer quelques lapins atterrés dans une sapinière, au bout de sa propriété, avec une constante crainte de l'arrivée du garde champêtre, un mauvais coucheur, ami des roulants. Mais Madame Goron lui enleva cette distraction en disant qu'elle louerait la chasse de la propriété au châtelain voisin, qui la lui avait demandé. C'était toujours 30 francs par an de gagner. Les enfants de Rouen étaient de plus en plus dans la gêne. Des demandes d'argent arrivaient fréquemment. Cyril en était ému, et pensait qu'il était dur de ne pas envoyer les petites sommes demandées, alors que, dans son tiroir, les beaux rouleaux d'or étaient là, dormants. Mais Madame Goron, à qui il en parla, répondit « Y songes-tu ? C'est malheureux, mais on n'y peut rien. Si tu n'as pas remboursé le prêteur de Caudebec, c'est-y eux qui l'empêcheront de nous ennuyer ?» Et elle jetait d'un coup tout ce qu'elle avait sur le cœur. C'était vrai qu'ils avaient de la famille, et que les affaires n'allaient pas. Mais sa bru était-elle une femme d'ordre ? Avec ça que, quand ils avaient un peu d'argent, ils se gênaient pour fermer la boutique le dimanche et aller à la bouille, en partie de campagne, avec toute la marmaille et en toilette d'été trop voyante. Quand on n'est pas riche, il faut le savoir. Mais non, ils ne pensaient pas au lendemain, s'attendant sans doute à hériter d'eux, les vieux qui auraient travaillé toute leur vie, pour que les jeunes puissent se promener, la canne à la main. Et elle ajoutait « Comme on fait son lit, on se couche pas ?» Le magot avait été cependant entamé. Le premier billet souscrit par le médecin ne devait échoir qu'à 6 mois de là. Les pommes avaient été brassées à la ferme et n'avaient donné de cidre que ce qu'il en faudrait pour la consommation de la maisonnée. On ne peut pas rationner les domestiques qui ne se gênaient point pour vider leur pot chacun à tous les repas, sans compter la collation de 5 heures. Cyril les y aidait largement. Pendant la fenaison, un fût entier avait été vidé en 8 jours, et les foins avaient, comme l'année précédente, été gardés pour la nourriture des bœufs pendant l'hiver. Encore la récolte était maigre. On avait été forcé de mettre les bestiaux dans le pré. Les herbages et les cours ne suffisant pas à leur nourriture. La sécheresse de l'année avait été désastreuse. Une des vaches était morte en vêlant. Le veau, malgré l'opération, pour laquelle le vétérinaire demandait 30 francs, n'avait pas vécu. Une fatalité s'acharnait après eux. Madame Goron se révoltait, voulant espérer que cette malchance ne continuerait point et répondant à Cyril qui lui disait ses inquiétudes. « On ne te demande rien, pas. Bagne l'eau à ton aise et ne t'occupe pas du reste. »